Ouais, toi. Ouais, hé. Hey. Hé, hey, oh. Hé, hey, oh. Ah, ta chaîne, là. Ta chaîne, elle déconne, hein.